Pour se sentir libre, on a besoin, besoin d'espace. Moi je me sens coincé dans mes 10 mètres carrés. J'ai besoin de respirer, besoin aussi de parler. Dans la vie, pour moi, deux choses importantes, c'est de rester libre, de pouvoir rêver, et surtout de ne pas perdre sa dignité. Derrière ces hauts murs, il sait de pas se cacher. Comme ça la vie.